Ouais, on a la jura, on voit rouge, le genre de nos jeux ingérables. Pour la majorité des gens, quasiment indésirables. Tous pareils, donc rarement jugés non coupables. Vous vous foutez de nous, pourtant c'est faux ce dont on est capable. Mais selon vos règles du jeu, on vient se mettre à table. Les poches pleines, vous en oublierez même qu'on vous accable. Mais faut qu'une chose soit bien claire, avant qu'on me désintègre ou bien qu'on me désintègre. Si j'étais banlieusard, je serais de ceux qui tiennent les murs de la gare. Donc si j'étais soldat français, je déserterais le jour de la guerre. J'ai pas de parti, pas de patrie, c'est comme si t'avais pas de papier. Quand t'es de ceux que la BAC n'en finit pas de palper, tu pètes un câble. Tu dis c'est quoi cette vie dingue? Le contrôle de police est inévitable. Comment tu peux te sentir comme les autres? Après tu peux pas, tu quittes l'école sans bac et tu poses ton cul autre part. Te trouve de droit ton père et pars faire ton trou autre part. C'est pas le pays à ton père, personne te donnera ta part. On a compris le message, on a compris le message. Et c'est ce qui fait qu'autant de nous, on est mains sales. Vous nous poussez à nous foutre de tout, en devenir violent, plus envie nous prend de vous rouer de coups. On est saoulés, on n'a rien à prouver. On vient chercher les sous et on compte bien les trous. Voyous avec glace, parce que voyous avec texte et basse. Parce que du camp de ceux qui laissent leurs traces et qui n'ont pas au bout de leur laisse, capable d'obtenir bien plus que ce qu'on leur laisse. Voyous avec glace, parce que voyous avec texte et basse. Parce que du camp de ceux qui laissent leurs traces et qui n'ont pas au bout de leur laisse, capable d'obtenir bien plus que ce qu'on leur laisse. L'État assassine, nous bassine, nous jette à la scène, à la pensée malsaine et oublie nos racines. Y'a du porc sur la table à la cantine, dans nos cartables, des livres d'histoire et sur nous y'a pas 20 lignes. Dur de trouver ses repères dans ces conditions, pour se montrer à la hauteur de nos propres convictions. On connaît l'échec, l'effet du choc après la chute, le chant du coq après la faute, ainsi que la haine du proc et de la juge. On nous dit faut se battre pour que ça bouge, or on vit le couteau sous la gorge et on a tort. À peine on ouvre la bouche, jeune de la goutte d'or ou de quartier cité similaire. À quand le séminaire, ouais c'est chaud dans le ghetto. On dit qu'on aura ta peau pour pas cher et que tu peux te mettre profond ton karcher. On fait du bis d'accord, mais on irait peut-être au boulot si nous laissait pas que le balai. Et encore, vous avez assez de cette bande de racailles, on va vous en débarrasser. Le lendemain, à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, trois adolescents qui voulaient échapper à un contrôle de police se réfugient dans ce transformateur EDF. L'un est grièvement brûlé, les deux autres meurent sur le coup. Dans la cité, les esprits s'échauffent. Encore de fins tragiques qui laissent un goût amer. Et des journalistes qui s'amènent comme des mouches amères. Et ouais, c'est moche à dire, mais ils jouent nos vies comme des jetons au poker. L'insécurité comme joker. Tu veux savoir pourquoi ça crame? Parce que dans nos rues pour rien ça calme. Et c'est les familles des victimes qui rappellent au calme. Quand les dossiers s'entassent et que les hommes d'État se taisent, attendent que la tension s'apaise.